Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je crois ce que je dis et je dis ce que je crois. Bana linga balinga te mama yopo kolunga foma nampo ata basaleni RDC kobunga e nampo balinga balinga te yopo zaya nzambe sokwa mama haleluya Sous-titrage Société Radio-Canada.